voilà deux jours qu'il ne quitte pas l'antichambre. J'ai voulu l'appeler, le caresser. Il refuse qu'on le touche, un peu plus il me mordrait. Oui, moi, je te jure qu'il m'effraie. Il ne mange plus, il ne bouge plus, et quand il me regarde, il me donne la chair de poule. Comment veux-tu que je sache? Il croit peut-être que je t'ai fait du mal. Pauvre bête, je n'ai aucune raison de lui en vouloir. Je ne le comprends que trop bien. Il Pour un homme.